Pour les autres, vous pouvez tourner avec moi dans 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel 25. Alors, comme je vous exprimais la dernière fois, si je ne me trompe pas, j'ai fait mon dernier voyage en Val-d'Or, en Abitibi. Ça faisait 3 ans que j'allais. La semaine passée, dimanche le 23 juillet, c'était ma dernière présence avec eux. C'est toujours intéressant. On est toujours brisé par nos sentiments. J'étais content de finir, OK? Mais d'un autre côté, on s'ennuie des gens, OK? Probablement que je ne reverrai plus ces gens-là. Alors, j'ai fait le grand tour de l'Abitibi. J'ai été à Val-d'Or, j'ai fait Rouyn. J'ai été dîner à la Sarre avec des frères. J'ai été souper avec des frères à Amos, puis je suis revenu. Alors, j'ai fait, en 6 jours, je dois avoir fait à peu près 2000 kilomètres, à peu près. C'est juste pour vous dire, là, c'est vraiment incroyable. Maintenant, j'ai ramené un souvenir. Quelqu'un m'a donné un souvenir qui est très spécial. Il m'a donné des pépites d'or dans un stylo. Je voulais vous le montrer ce matin. Alors, quand je vais être cassé, je vais le casser. Là. Il y a des pépites d'or là-dedans. Alors, c'est très intéressant. Alors, c'est écrit Val d'Or 24 carats. Alors, c'est juste pour vous dire que ça existe. Probablement, je ne sais pas si ça ne doit pas être des pépites, mais plutôt des feuilles. Ça doit être plutôt des feuilles, mais de 24 carats. Alors, je vais mettre ça sur mon bureau, puis je vais penser à eux quand je vais voir ça. Alors, je remercie le Seigneur pour ce beau petit cadeau. Et Val d'Or, c'est la vallée de l'or. Okay? Ils ont juste fait une contraction. Alors, je suis très content. Mais d'un autre côté, je devrais être à Fermont au mois de septembre. Je ne sais pas que c'est plus court, c'est pas plus long. Mais quand je vais à Fermont, quand même, je vais en avion. Alors, au moins, c'est déjà bien, c'est moins éreintant. Vous vous souvenez la dernière fois que j'ai enseigné, j'ai parlé d'un monsieur qui s'appelait Barnabas. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Le livre des Actes, il faut se souvenir que c'est l'historique et le début de l'Église où ce qu'on est rendu 2000 ans après. Alors, dans le livre des Actes, vous voyez l'origine, vous voyez comment ça s'est passé, vous voyez comment ça s'est développé, jusqu'où que l'apôtre Paul, Barnabas, Silas et d'autres qui ont été, que Dieu a utilisés. Et vous vous souvenez que Barnabas, les trois capacités qu'on a vues, c'était vraiment un facilitateur, c'était d'être capable d'y amener l'apôtre Paul avec lui pour le présenter aux anciens, à l'église de Jérusalem. Aussi, on a vu que c'était un très bon formateur. Il a formé, il est parti, il était le chef de l'équipe, et à un moment donné, il a passé le bâton à Paul. Et on voit que c'était un restaurateur, il a pris soin de notre ami Marc. Et ce matin, j'ai pensé, c'était Abigail, une dame. Il n'y a pas juste des hommes qui ont été des héros. Il y a des femmes aussi que Dieu a utilisées dans toute son histoire de la Bible. Alors, n'oubliez pas que le but du livre de 1 Samuel, ce qui est très intéressant, il faut se souvenir de ça. Alors, 1 Samuel, c'est j'ai mis ça, la transition. Okay? Jusqu'à maintenant, le roi d'Israël, c'était qui? C'était Dieu lui-même. Vous vous souvenez avec Moïse, Josué. Puis là, à un moment donné, les gens du peuple se sont réveillés puis ont dit, nous autres, là, on aimerait d'être comme les autres peuples. On aimerait avoir un roi qu'on voit, qu'on peut toucher. OK? Est-ce que vous pensez que c'était une très bonne idée? Je pense que c'est la pire idée qu'ils ont jamais eue. Pourtant, Samuel leur a dit, si vous voulez avoir un roi, il faut y penser 2 fois. Ça va vous coûter 20% de vos revenus. Ça va vous coûter vos meilleurs fils pour être dans l'armée. Ça va vous coûter vos meilleures filles pour servir le roi et la reine. Non, non, c'est ça qu'on veut. On veut être comme les autres. Hein, ça nous ressemble un peu, vous ne trouvez pas? Hein? On a une tendance à ne pas trop aimer d'être différent. Mais on voit qu'à ce moment-là, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, vous voyez les transitions. Alors, vous vous souvenez qui était le premier roi? C'était notre ami Saül. Après ça, on a David. Et puis, on a eu Salomon, le roi Salomon. Jamais un roi n'a été aussi grand que lui. Et après, on a roi, puis on a toute l'histoire, toute la généalogie des rois. Alors, ce matin, au travers de cela, on va voir David, que ça n'a pas été facile de devenir roi. Okay? Il y a eu des hauts et des bas là-dedans. Et dans cette partie de sa vie, ça ne va pas tellement bien. Il s'est sauvé, puis son armée sont à peu près 400, puis les textes nous disent, on n'aura pas le temps de tout voir ça, les gens qui se sont regroupés après lui, c'était des bandits. Imaginez, c'est tout. Ça commence bien une armée. C'était des voleurs, des gens qui étaient insatisfaits. Fait que ce sont tous ramassés avec David. Alors, ça, il a commencé comme ça, là. Okay? Pourtant, il y avait eu une belle prophétie par le prophète Samuel. Alors, ce qu'on peut voir ce matin, on va voir trois qualités d'Abigaël. Comment cette femme-là, dans un contexte très spécial, a réussi à démontrer une maturité exceptionnelle. Si on reprend, vous allez voir au chapitre 25, Samuel, verset 1, on peut voir le contexte. Samuel mourut. Alors, Samuel, décédé, tout Israël s'était assemblé, le pleura. Alors, ils sont tristes de le voir partir. Bien, il est parti. On l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendu au désert de Paran. Et là, c'est toute une histoire de cette femme-là. Au verset 2, il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. C'était déjà, je dirais qu'il était milliardaire, là, si on évaluerait ça avec nos chiffres d'aujourd'hui. Il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Verset 3. Il nous dit ceci, « Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant. Dans ses actions, il descendait à de Caleb. » Alors, ce qu'on peut voir ici, la première qualité qu'on peut voir de notre ami Abigaël, c'est une femme de bon sens. OK? Puis, elle avait quand même quelque chose de spécial. C'est drôle que l'auteur nous dise ça. Qu'est-ce qu'il nous dit après? Il nous dit qu'elle était belle de figure. Alors, ce gars-là, il avait gagné le jackpot, OK? Elle n'était pas juste de bon sens, mais il semble qu'elle était belle de figure. Bon, belle de figure, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas été capable, je n'ai pas vu de photo, je n'ai rien vu. Alors, puis vous savez que la beauté, c'est relatif. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ça peut être très beau pour vous. Ça peut être très belle pour vous, mais on ne sait pas. Mais ici, l'auteur nous dit qu'elle avait le bon sens et était belle de figure. On sait que son mari, elle a de bon sens, mais son mari s'appelle Nabal, et puis ça veut dire fou. OK? Alors, je me suis posé la question, comment ça qu'une femme censée a marié un gars fou? Hein? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Moi, je trouve ça très bizarre. Peut-être que je me pose des questions que vous ne vous posez pas, là, mais il est clair. Je crois que la réponse est dans la culture. Généralement, dans le temps biblique, c'est qui préparait les mariages? C'était les parents. OK? Alors, la question que je me suis posée, puis que certains s'est posée, est-ce que ses parents ont choisi Nabal parce qu'il était riche? Peut-être que ses parents, ils venaient d'une famille pauvre. On n'a pas la réponse. Mais je crois que la réponse est celle-ci, c'est que le mariage était arrangé. Je ne pense pas qu'une femme aussi intelligente, de bon sens, elle a remarié un homme qui s'appelle Nabal. Même les proverbes diraient que c'est le mot qu'ils utiliseraient, c'est insensé. Est-ce que vous voyez le contraire? C'est une femme de bon sens, mais lui, c'est un insensé. C'est vraiment incroyable. Alors, la définition de cette expression-là ou de cette locution-là, quand on dit de bon sens, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de bien juger les choses. C'est ça que ça veut dire. On a un synonyme aussi qui veut dire la jugeote. Utilise ta jugeote. Je n'avais pas pensé que ça existait en français. Je pensais que c'était une expression cheval du Québec, québécoise, mais ça veut dire aussi utiliser sa jugeote. Ça veut dire que cette femme-là, là, elle avait une bonne jugeote. Elle était capable de bien juger son environnement. On a aussi dans Proverbes, ce qui est très intéressant, dans Proverbes 1, verset 3, les proverbes ont été donnés pour plusieurs raisons. Et une des raisons que j'ai trouvé très intéressante, c'est pour recevoir des leçons de bon sens. Autrement dit, on ne vient pas au monde avec le bon sens. On apprend cela. Puis plus qu'on devrait être âgé, un certain âge, on devrait quoi? Avoir du bon sens. Mais il semble, mais il semble que des fois, en s'en allant, puis on dépasse certaines limites, ça a l'air qu'on revient en enfance. C'est pas trop là, mais alors on a besoin de conseiller à ce moment-là. Mais ici, c'est clair, recevoir des leçons de bon sens. Aussi, Proverbe 26, 16. Si vous voulez tourner avec moi, ça vaut la peine, ceux qui ont leur Bible. Proverbe 26, 16. OK? Proverbe 26, 16. C'est vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Proverbe 26, 16. Il dit ceci. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Hey, hein? Faut que tu sois vraiment insensé pour penser ça. Alors, cet homme qui répond avec bon sens. Aussi, ce qu'on peut voir, restons dans les proverbes, c'est très intéressant, le contraire aussi, les proverbes. Là, on parle d'Abigaël, d'une femme sensée, de bon sens, mais les proverbes nous parlent aussi de femmes insensées. Si vous tournez dans Proverbes 14, verset 1, OK? Proverbes 14, verset 1. La plupart, on le connaît, ce verset-là. OK? La femme sage bâtit sa maison, hein? Mais la femme insensée, OK, la renverse de ses propres mains. C'est quand même quelque chose à réfléchir. Alors, il n'y a pas, oui, il y a des hommes sensés, des femmes sensées, il y a des hommes insensés, mais il y a des femmes insensées aussi. Renverse sa propre maison de ses propres mains. Aussi, il y a un bel exemple de cela, la femme de Job. OK? La femme de Job. Elle était spéciale quand même, hein, vous ne trouvez pas? Mais vous n'avez pas besoin de tourner, mais dans Job, dans le livre de Job, au chapitre 2, verset 10, tu sais, là, Job, ça ne va pas bien dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, là? Dans une demi-heure à peu près, il était millionnaire puis il est devenu itinérant. Dans une demi-heure, une heure, à peu près ça. Je n'ai pas connu grand monde comme ça. Tu sais, puis quand on dit « pauvre comme Job », là, l'expression québécoise « pauvre comme Job », ça veut dire que ça ne va pas bien. Puis là, sa femme, elle voit dépérir, puis là, il est rendu qu'il est sur un tas d'amondices, je ne sais pas trop, là, de fumier, si vous voulez, on va utiliser un bon mot, là, puis ça va pas bien, sa santé, la maladie, il y a des abcès partout sur le corps, puis le texte nous dit qu'il se gratte avec un fond de bouteille. En tout cas, je ne sais pas si c'est un Pepsi ou Coke, là, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais quand il est rendu là, là, ça va pas bien. Là, qu'est-ce que sa femme va le voir? Là? On a aimé ça qu'elle dit, Job, lâche pas mon Job, tu vas l'avoir. Hein, Job, donc, je vais prier pour toi. On va prier ensemble. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, maudit Dieu, arrête, lâche-le, arrête d'avoir confiance en lui. Puis là, Job, regardez qu'est-ce qu'il dit, je vais vous lire, très intéressant. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Intéressant. Tu parles comme une femme insensée. Quoi, recevons-nous de Dieu le bien? Ne recevrons-nous pas aussi le mal? Hein? On a l'exemple d'une femme insensée. Maintenant, si on fait quelques applications dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église aussi, avoir du bon sens. J'ai rencontré un jeune homme... Quand je donne des exemples, ce n'est pas ici. Là. Je me promène partout, j'ai des contacts un peu partout, demander à Roger, je travaille avec lui, puis les gens m'appellent du Nouveau-Brunswick, Fermont, en tout cas. Mais ça n'a pas rapport avec l'Église ici. Alors, j'ose avec lui, je dîne avec lui, puis j'ai dit, puis, parce qu'il vient juste d'avoir un petit bébé, puis, comment ça va dans ta vie? Ah, il dit, c'est dur, Noël. Tu sais, de ne pas dormir. Je ne sais pas si vous voyez, ben, je sais pas, est-ce que vous en souvenez? Je ne sais pas. Moi, la pire chose dans ma vie qui peut m'arriver, c'est pas de ne pas manger, c'est de ne pas dormir. Je ne sais pas si ça change un tempérament de ne pas dormir. Okay? Moi, en tout cas, là, ma femme ne me reconnaît plus. Hein? Quand je ne dors pas. Alors, je m'arrange pour dormir. Alors, il dit, c'est dur. Puis là, il est rendu à 10 mois. Puis, enfin, j'ai dit, là, vous êtes rendu à combien d'enfants? Il dit, on est rendu à 3. J'ai dit, est-ce que vous pensez en avoir d'autres? Ben, il dit, on est en train de réfléchir à ça parce que ma femme, elle ne peut pas les avoir naturels, les enfants. Elle doit les avoir toutes par césarienne. Puis là, le médecin, il a dit, ben là, rendu à 3 césariennes pour la madame, peut-être que les muscles, etc., etc. C'est sûr. Alors, il dit, on est en train de réfléchir. Voyez-vous, on a besoin de bon sens. Est-ce qu'il va en avoir un quatrième, un cinquième? J'ai aucune idée. Moi, tant qu'à moi, il peut en avoir le nombre qu'il veut. OK? Pourvu qu'il ne m'appelle pas pour aller les garder. C'est ses enfants, il a la liberté, il peut faire ce qu'il veut. Mais il a besoin de bon sens. Est-ce que vous comprenez? Bon, est-ce que sa femme, sa santé, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça va mettre sa vie en danger peut-être, une quatrième césarienne? On ne sait pas. Parce que chaque opération, il semblerait que c'est très dangereux. Je ne connais pas ça, là. À chaque fois qu'on ouvre le corps, les virus, ou en tout cas, ça a l'air que ça peut arriver. Alors, ils ont besoin de bon sens, il dit. Puis ils sont en train d'évaluer ça. Alors, c'est intéressant de voir ça. Dans mon dernier voyage à Val-d'Or, la semaine dernière, une des choses que je trouve le plus difficile, c'est de voir les Autochtones. Ça me touche vraiment. OK? J'ai marché dans la ville de Val-d'Or à quelques occasions, et puis c'est de voir les Autochtones. C'est des Algonquins, ils parlent anglais, ils commencent à parler français. Probablement, ceux que je vois, ce n'est pas tous les Algonquins qui doivent être comme ça. Mais ceux que je vois, ça, je me pose toujours la question pour dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour eux? J'essaie de trouver, avoir du bon sens, trouver quelque chose pour pouvoir les aider. C'est malheureux de voir ça. C'est pas juste les Algonquins. On a plein de Blancs qui sont capables de faire des niaiseries comme ça. Pas de problème avec ça, là. Okay? Mais le bon sens, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Le gouvernement les aide. Nous, en tant que société, je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile de les voir. Le bon sens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? C'est pas évident. Pour nous, en tant qu'Église, on a déjà commencé à travailler sur le budget. Vous savez, est-ce que vous vous souvenez, ici à l'Église, l'année fiscale, c'est de quel mois à quel mois? Est-ce que vous vous souvenez? C'est du mois d'août, généralement, aller jusqu'en juillet. On a la réunion d'affaires en septembre, mais c'est de juillet à août. On a déjà commencé à travailler là-dessus. Puis, on met des chiffres, on travaille des chiffres. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de bon sens. Moi, j'aimerais ça que tout soit noir et blanc. Est-ce que vous aimeriez ça? Moi, j'aimerais ça, que ça soit tout noir et blanc. Mais ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça, la vie. Il y a beaucoup de zones grises. Puis, on a besoin de bon sens. C'est pas facile. Puis, je sais que quand on parle du bâtiment, là, okay, quand on parle du bâtiment pour la vendre, l'acheter, faire un autre, je sais que c'est difficile pour vous à certains endroits. J'aimerais ça que j'aie un verset noir sur blanc, « Vends-le pas ». Je vous lirai ça, matin, ce serait fini. Ou j'aurais un beau verset noir sur blanc qui dit « Vendez-le, vous, plus de problème ». Hein? Vous ne trouvez pas? Ce qu'on a besoin, c'est de bon sens. OK? Moi, je suis ici, ça ne paraît pas peut-être pour vous, mais je connais le bâtiment depuis 40 ans. Moi, quand je me suis converti, j'étais ici la deuxième année que le bâtiment existait. OK? J'ai participé à plusieurs, il y a une, deux, il doit y avoir au moins deux rénovations que j'ai participé ici. Peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais on a déjà eu un super foyer au sous-sol. Qui se souvient de ça? Il n'y en a pas gros, hein? Hey, on avait un foyer, mon ami, au sous-sol. Hey, c'était quelque chose. Mais le sol était tout fait en préfini. Ouais, il n'y avait pas de cage d'escalier. Imaginez. Fait que les jeunes, à un moment donné, la ville est passée parce que les règles de sécurité changent. Là, ils ont dit, ça prend les cages d'escalier parce que, à quoi ça sert les cages d'escalier, vous pensez? C'est pour empêcher le feu de monter le moins vite possible en haut. C'est ça l'idée, c'est la sécurité. Ensuite, le préfini, on a tout enlevé ça, on a mis du tuproc à feu. Pourquoi? Ben, c'est pour la sécurité. Alors, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, les bâtiments sont évalués d'année en année, ou aux 5 ans, ou aux 10 ans, voilà. Et à quelque part, à un moment donné, le bâtiment, il devient, bon, est-ce qu'il est encore sécuritaire? Il faut se poser la question aussi. Alors, c'est pas, j'aimerais-tu avoir des versets clairs, sur, noir sur blanc pour dire, regarde, c'est ça que tu vas faire. On a besoin de bon sens. Puis en passant, là, il y a quelqu'un qui est revenu, juste pour vous dire, là, il y a quelqu'un qui c'est très intéressant, là, très intéressé au bâtiment. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais priez pour nous, les dirigeants, puis on cherche le bon sens là-dedans. OK? Pourquoi vous pensez qu'on a fait faire une évaluation pour avoir un foyer à l'extérieur, pour avoir l'agrandissement? Pourquoi? Parce qu'on voulait faire une comparaison. Pour, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais faire ce qu'on voulait faire, ça coûtait 600 000 $. Mais on reste avec un vieux bâtiment. On reste avec, il n'est pas tout transformé, là, le bâtiment à 600 000. Ça nous donnait, pourquoi qu'on a fait faire une évaluation agréée? Pour nous donner de l'information. Pourquoi? Pour avoir du bon sens. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir ça. Alors, c'est un défi pour nous. On va revenir à l'automne avec ça. Moi, je m'en vais en vacances, là, mais je reviens. Là. On va revenir, on va jaser de ça. Le bon sens, mes frères. Maintenant, la deuxième qualité que j'aimerais qu'on puisse voir ici, de notre ami, au verset 14. Tournez avec moi au verset 14 maintenant. Verset 14 au verset 19. La deuxième qualité de cette femme-là, elle sait écouter. Okay? Elle sait écouter. Regardez bien. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui l'a redoué. » Parce que Nabal, c'est un fou, il n'a pas été gentil avec David. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Okay? Ils nous ont fait aucun outrage. Rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont, nuit et jour, servi de muraille. Alors, David et ses 400 bonhommes, ben, ils ont protégé le troupeau de Nabal. OK? Alors, verset 17, « Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. » Oh, il y a quelque chose qui s'est passé. « Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant que je n'ose pas lui parler. » Il ne voulait même pas aller le dire à Nabal. Il faut que ça soit méchant, là. OK, il y avait une mauvaise nouvelle, mais il n'y a pas été. Alors, voyez-vous, là, il dit « Sache. » Et puis, Abigaël a écouté. Aussitôt, elle n'a pas dit « je vais prier », elle n'a pas dit « je vais demander conseil », mais aussitôt, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains routiers, 100 masses de raisins secs, 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit au serviteur « passez devant moi, je vais vous suivre ». Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur une âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici ses hommes descendant en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. C'est sûr que lorsque David a entendu dire que Nabal ne voulait rien savoir, puis Nabal il a osé dire, « C'est qui ça, David? Hey, c'était-tu insultant pour lui? » Il a dit, « Je descends avec ma gang, puis je te rase tout ça. » Il était pour tout raser ça, là, lui-là. Mais elle a écouté, elle a su écouter. Et je dirais que c'est intéressant, elle a parlé à ses serviteurs, mais elle n'a pas parlé à son mari. Et je dirais que une des qualités de cette femme-là, elle savait écouter. Puis c'est pas évident, je ne sais pas si vous savez, mais c'est facile à dire et écouter, mais à faire, ça n'est pas facile. Vous avez, moi, mon proverbe préféré sur l'écoute, c'est Proverbe 18-13. Celui qui répond avant d'avoir écouté commet un acte de folie. Il attire la confusion. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des gens, tu n'as pas fini ta phrase et il te répond. Mon ami, il lit dans nos pensées. Hein? Écoutez. Pas facile, écouter. Mais cette femme-là, elle a compris là, qu'il fallait qu'elle écoute. Puis son serviteur, il dit, « Sache, je ne te le dirai pas 2-3 fois. T'es mieux de t'organiser parce que ça ne passera pas. » Vous savez, c'est pas toujours facile d'écouter. Je dirais, ce que j'ai beaucoup aimé, il y a un synonyme d'écouter. Quand on parle d'écouter, c'est pas juste avec nos oreilles, mais c'est avec nos yeux. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. C'est avec nos yeux aussi. Il y a une expression synonyme qui dit « écouter » égale aussi de savoir lire ton contexte. Savoir lire ton contexte. Savoir quand tu déranges. Savoir quand tu ne déranges pas. Savoir quand tu es de trop dans une conversation. Vous avez déjà vu ça, là? OK? Ça, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu sois capable d'écouter. Il faut que tu sois capable de lire ça. Souvent, dans nos relations, surtout le dimanche matin, on est en train de parler avec quelqu'un. Qu'est-ce qui arrive des fois? OK? C'est sûr qu'on veut tous se dire bonjour. Hein? C'est correct, ça. On veut tous se dire bonjour. Mais des fois, on est en train de parler avec quelqu'un, puis qu'est-ce qui arrive? Un passe, puis il nous coupe. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là. OK? Puis, il faut faire attention de réaliser dans nos relations. Il faut savoir s'écouter, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je pense que je vous l'avais déjà dit, là, on n'écoute pas. Je pense que j'avais fait un test dans une des églises. Quelqu'un m'a demandé « Comment ça va? » J'ai dit que j'étais pour mourir dans 2 semaines. Il m'a dit « Bonne journée. » C'est juste pour vous dire comment on écoute. Okay? Faites des petits tests comme ça, là. Il aurait pu dire, je vais prier pour toi. Bonne journée. On n'écoute pas les gens. On n'écoute pas les gens. C'était la même chose. On a eu un très bon temps au kiosque cette année d'évangélisation. Il faut que vous venez au moins une fois dans votre vie. Sylvain m'a envoyé un petit rapport, là, pas vraiment détaillé. Mais dans 5 jours, on a atteint 1500 personnes. Il faut le faire, ça. On a eu 1500 contacts. Pas nécessairement là, tout le gars était ouvert, mais on a donné 1500 objets. Un objet par personne. C'est incroyable. Mais quand tu es à la table, il faut que tu saches lire la personne qui va être devant toi. Puis si tu lui dis, ça va prendre 2 minutes, prends pas 5. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu lui dis 2 minutes. Puis, il faut savoir lire leur visage, le non-verbal. Puis, quand tu dis, madame, moi, je me souviens, il y a une dame qui était là, je dis, approchez-vous. Elle était à 3 pieds de la table quand j'ai demandé ça. Elle a resté là. Approchez-vous. Là, j'ai dit, on parle de Jésus. Elle est partie. Mais là, j'ai dit, vis pas un reject, là, Noël. Là, c'est pas contre toi, là, c'est contre Jésus. On aurait dit que Jésus, c'était une maladie, quand j'ai dit. Alors, il faut savoir lire. Fait que si tu vois que les gens, ils disent, oui, je vais arrêter, je vais juste écouter, je n'ai pas beaucoup de temps, sache lire. À moins qu'il te dise, ou à moins que tu lui demandes, regarde, je vois que tu es intéressé, est-ce qu'on peut continuer? Tu demandes la permission pour ça. Alors, c'est important de réaliser ça, d'écouter. Il faut le faire. Il faut vraiment s'arrêter. Et puis de réaliser. La plupart des gens ou des fois que je rencontre dans les couples, c'est un des éléments qui ressort. Mon mari ou ma femme ne m'écoute pas. C'est ça l'idée. Ils ne m'écoutent pas quand je parle. Hein? Puis ça n'arrive pas juste à vous, ça arrive avec moi puis Marie, ça ne paraît pas là. Ça arrive. On se parle là. Je dis des fois, on parle-tu le français là, nous autres? Là? C'est français qu'on parle. Elle me dit des choses, je ne l'écoute pas, je ne sais pas ce que je suis. Hein? C'est vrai que le français, ce n'est pas une langue facile à apprendre. C'est pas facile. Pourtant, on est nés ici. On a de la misère. Juste aujourd'hui, cette semaine, on s'est parlé, puis Marie a pris des décisions, puis c'était correct, là. C'est pas mal en soi, mais j'ai dit, Marie, je commence pas mes vacances à dimanche à midi, je commence mes vacances mardi à midi. Hein? Tu me dis ça? Oui, je t'ai dit ça. Fait que pourquoi? Parce qu'elle a la mauvaise information, elle a pris une décision. Ben moi, ça ne fait pas mon affaire. Cette décision-là. On ne s'écoute pas. Puis il y a un endroit qu'on ne s'écoute pas. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui pense de se marier. Et un homme d'un certain âge. Il me semble que le certain âge devrait démontrer la maturité. Vous ne trouvez pas? Mais quand la princesse passe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez les gars, là, mais je ne les reconnais plus. Et alors, j'ose avec lui. Je voulais avoir de l'information pour certaines, parce que j'avais entendu des oui-dire, puis je voulais avoir. Ah, il dit, on s'est parlé au téléphone pendant des heures. Vous voyez-vous, là, tout le big picture. On se téléphone, on a toute l'information qu'on a besoin de savoir. J'ouvre une petite parenthèse, c'est drôle, hein? Au début, quand ils se rencontrent, là, tout le monde parle. Deux ans après, ils m'appellent. Ils ne me parlent plus. C'est drôle, ça. Vous ne trouvez pas? Ben oui, mais il t'a tout dit en deux semaines. Il n'a plus rien à dire. Là, je le vois, les yeux brillent. Là. Ça ne va pas avec l'amour. Ça ne va pas avec l'âge. Laissez-moi vous dire, ça n'a pas d'âge. Quand la princesse passe ou le prince passe, ça n'a pas d'âge. Alors, je l'écoute, là, puis je le vois bien, là, que, tu sais, il dit toutes les questions. On s'est posé toutes les questions. Ah oui, c'est correct. Moi, j'aimerais te donner un conseil. Là, j'ai vu changer ses yeux. Là, j'ai dit, ouais, vous êtes parlé beaucoup au téléphone, vous jasez, super, c'est correct. Mais j'ai dit, moi, il me semble, elle vient de quelle église, cette dame-là? Ah, elle nomme l'église. Ah, ça fait plusieurs années qu'elle est là. Ah, super! Moi, je t'encourage d'aller voir un des responsables. Mande-y comment qu'elle est, cette brebis-là. C'est drôle, là, ses yeux ont changé. Puis c'est drôle, j'ai compris qu'il ne voulait rien savoir de ce que je disais. Il ne m'a pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il pense, parce qu'il est rendu à un certain âge, qu'il a l'autorité puis qu'il voit tout ça. Là, je lui ai répété mon ministère, moi. Mon ministère, quand je fais un cours de préparation au mariage, c'est d'ouvrir les yeux. Après, c'est de les fermer. Mais on dirait là, que l'amour, le mariage, redonne la vue. C'est incroyable. Ça donne la vue, ça. Il est aveugle, mais là, il voit. C'est comme le témoignage de l'homme. J'étais avec, mais là, je vois. Oui. Pourtant, on lui a dit qu'elle laissait traîner ses bobettes, puis s'il trouverait ses bobettes dans la tasse à café, dans l'armoire. Mais il ne croit pas. Hein? Il ne croit pas. Il n'écoute pas. Et, en tout cas, écoutez-moi bien. Là, je vous le dis à tout le monde. Si je deviens, là, veuf, ou divorcé, puis vous voyez que je fais des niaiseries, venez me voir, s'il vous plaît. Venez à la gang, si vous voulez. Attachez-moi, faites quelque chose. Tu sais? Écoutez, une autre madame que j'ai rencontrée la semaine dernière, 78 ans. Elle dit, Noël, toi, qu'est-ce que tu penses du mariage? Moi! J'ai dit, on est une gang de malades! Mais elle dit, je m'ennuie. Jette-toi un chien, ouais, c'est ça. Coûte moins cher. Mon ami, en passant, elle a un chat. Ça a l'air que ça ne fait pas l'affaire. Hey, là, moi, là, juste, je suis pris avec deux sentiments. J'ai juste envie de rire ou ça me met en colère. C'est un des deux, là. Parce que quand ça ne va pas bien, c'est qui appelle? Noël! Pourtant, j'ai dit de ne pas le marier. Tu sais, ça m'arrivait de dire aux gens, « Marie-les pas! » Pensez-vous qu'ils vont écouter? Non. C'est venu me voir 3 ans après. « Hey, qu'est-ce que tu penses si je divorce? »« Hé, écoute, je l'ai arraché la tête. » C'est pas malin. Je te l'ai dit de ne pas le marier. Fait que je ne te dirais pas aujourd'hui de divorce. On dirait que l'être humain, le péché, là, il n'est pas rationnel. Souvenez-vous de ça. C'est insidieux, ça. Ça nous transforme même si on ne le voit pas, puis qu'on n'en est pas conscient. Fait que je reviens à ma madame de 78 ans, je dis, écoute, ben, oh, je dis, si tu te maries, en passant, là, j'ouvre une autre petite fenêtre, là, va vous dire. Pas grand monde que j'ai côtoyé qui a une bonne raison pour le mariage. C'est tout le temps, oh, je m'ennuie, je fais des voyages. Plein de trucs, jamais la bonne raison. C'est rare que quelqu'un me dise, je veux le rendre heureux, ce gars-là. C'est très rare. C'est que j'entends, je veux quoi? Qu'il me rende heureux. Centré sur nous-mêmes. Hey, c'est pour ça qu'on est dessus. 3 mois après, là, il t'appelle, puis même, il y en a, c'est le lendemain. T'sais, c'est pas... T'sais, hey, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute-moi. Je lui ai dit, écoute-moi parce que tu peux être marié, puis tu peux être seul. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tu peux vivre, il n'y a rien de pire que d'être marié, puis de vivre la solitude. « Hey, tu peux coucher sur le couch, là, puis vite, à part de ça. » Puis, il peut être dans la maison, puis on ne parle pas. Ah ben, un autre couple que j'ai rencontré à un moment donné, puis ils prennent la retraite, puis le monsieur vient me voir, il dit, « Tu sais, à la retraite, lui, il a toujours travaillé, puis hey, là, il est à la retraite. » Il me dit, « Hey, la maison est petite, hein, pas pour rire. Qu'est-ce qui est passé, vous voulez qu'il me dise, là? Il est tout le temps avec elle. » La maison est petite, pas me camper, je ne peux pas, elle n'a pas de coin. Hey! Alors, il faut savoir écouter. Il n'y a pas de gars. Écoutez, c'est drôle parce que je finis avec ça pour l'écoute, là, parce que je passerai ma journée là-dessus, parce que c'est important. Les relations, c'est les choses, une, je dirais, c'est la plus difficile à gérer dans la vie, les relations. Puis dans les relations, il y a la communication. Fait que c'est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, dans ce sens-là, il faut se souvenir, cette femme-là, Abigail, s'est écoutée. Puis quand elle a eu la nouvelle, elle a réglé ça tout de suite. Elle n'a pas attendu. Aussitôt, elle savait qu'est-ce qu'elle devait faire. Et je dirais qu'on va finir avec la troisième qualité, c'était une femme de courage. Verset 20 maintenant, si vous voulez aller, on continue. Versets 20 à 35. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout le troupeau ou tout ce que cet homme a dans le désert. Et que rien, verset 21, c'est-à-dire, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à la servante de te parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyé. Maintenant que mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que toute âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens et qu'il marche à la suite de mon Seigneur. Verset 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les gars de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. J'aimerais juste m'arrêter ici. Il est clair que cette femme-là a du courage pour faire ça. Puis ce n'est pas juste David qu'elle va confronter, mais c'est 400 hommes qui s'en viennent avec lui, qui s'en viennent détruire. Tu as besoin de courage. Quelqu'un a déjà dit, le courage n'existe pas sans peur. Si tu n'as pas de peur, tu n'as pas besoin d'être courageux. On ne dira pas que tu es courageux. On dit à quelqu'un qui est courageux, c'est quand il a peur, puis qu'il va le faire quand même. Le courage. Et c'est très intéressant ici, on voit que c'est une femme de prière. On voit que c'est une femme qui est humble, l'humilité. C'est vraiment incroyable de voir cette dame-là, Abigaël. Le courage. Elle n'avait pas le choix dans un certain sens. Parce que ce n'était pas juste son mari qui était pour mourir. C'était toute la famille. Qu'est-ce qu'on a lu? David voulait détruire tout ce qui appartenait à Nabal. Elle était prête à se sacrifier, pas juste pour elle-même, mais pour ceux qu'elle aime. Le courage. On a d'autres personnes, d'autres personnages dans la Bible, comme Josué, quand il a pris la place de Moïse. Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Prends courage, sois courageux. Pourquoi il a dit ça, vous pensez? C'est parce que Josué devait trembler. Josué devait avoir peur. Imaginez prendre la place de Moïse, t'occuper de 2 millions de personnes, puis ils ne sont pas tous sur ton bord. On est-tu d'accord avec ça? Il y en a qui veulent ta mort. C'est incroyable. Pensez à Paul dans la tempête, qui était sur le bateau. Il dit, Dieu que je sers m'a envoyé un ange. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il savait que on va mourir. Puis même s'il savait que ça allait au ciel, la mort est contre nature à la vie. Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens 15, verset 56, à peu près, il dit, « Notre dernier ennemi, c'est quoi? C'est la mort. » Ouais, pas facile. Aussi, on a besoin de courage aussi des fois. L'apôtre Paul, ce que j'aime beaucoup dans Éphésiens, il dit, parce que Paul vivait des moments très difficiles, puis ça décourageait les autres chrétiens. Il dit ceci, Éphésiens 3, 13. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. » Il parle aux chrétiens. Aux Éphésiens, elle dit, perdez pas courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alors, même là, l'apôtre Paul, il dit à ses frères, découragez-vous pas. Parce que des fois, quand on voit la persécution chez nos frères, quand on voit la maladie, quand on voit les épreuves, ça peut nous décourager. Juste avant de partir, de l'Abitibi, j'ai été visiter une sœur qui a une maladie dégénératrice. Les poumons sèchent. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je n'ai pas le nom scientifique. Et puis, c'est comme si elle se noie constamment. C'est incroyable. Puis là, on voit que c'est vers la fin. Elle ne parle plus. Elle peut juste peut-être s'exprimer un peu avec des sons. Quand je suis sorti de là, j'étais découragé. J'ai dit, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr, la maladie, je ne connais pas ça beaucoup. Je ne suis pas un homme qui a été malade souvent. C'est sûr, dernièrement, j'ai été opéré. Là, j'ai eu une petite crise de foi. Là, ils m'ont opéré. Mais la maladie, je ne connais pas ça. J'étais découragé. J'ai embarqué dans l'auto. Je dis, Seigneur, viens la chercher. Des livres. Je voyais ma sœur comme pris dans un corps. Pas capable de communiquer, j'ai dit, libère-les. Alors, des fois, quand on voit les choses que nos sœurs, nos frères peuvent vivre, ça peut nous décourager. Mais si vous remarquez, Abigail, elle avait une relation très proche avec l'Éternel, parce qu'elle dit ça souvent, l'Éternel. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est toi son berger. Puis, je suis content que ce soit toi qui sois son berger. Moi, je suis juste un sous-berger. Alors, le découragement, à un moment donné, quand j'ai compris que Jésus sait qu'est-ce qu'elle vit, Jésus prend soin d'elle, même au travers de tout ce qu'elle vit, alors ça m'a donné courage à continuer. Voyez? Alors, souvenons-nous que c'est difficile, qu'est-ce que notre sœur, Abigail vit, mais ce qui est très intéressant, c'est comme un film, ce petit chapitre-là pour moi. L'histoire finit bien. Je ne sais pas si vous savez comment ça finit. Ça finit avec une belle histoire d'amour, j'ai l'impression. Hein? Elle a passé de veuve à être mariée assez rapidement. Je ne sais pas si elle a eu le temps de faire son veuvage, là. Mais mariée avec un gars comme ça, tu ne vas pas t'ennuyer longtemps. OK? Verset 36 maintenant, 42. Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il était riche, là. Écoutez, là, ça n'avait pas de bon sens, la richesse qu'il avait. Il avait le cœur joyeux, ça veut dire quoi ça? Puis il dit après, il était complètement dans l'ivresse. Il en avait pris un peu trop, là. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Elle dit, il va cuver son vin un peu. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, la femme lui racontait ce qui s'était passé. Et le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Wow! Là, il vient de s'apercevoir là, que c'est sa femme qui a tout géré ça. Là. Lui, il n'a rien su. C'est l'orgueil qui l'a tué, je pense. C'était vraiment... ça devait être humiliant, là, de tout cela. David a appris... Oh, on a un autre monsieur. David a appris que Nabal était mort. Il bénit, il dit, « Béni soit l'Éternel, OK, qui a défendu ma cause. » Ah! Dans l'outrage que m'a fait Nabal. C'est vrai, c'était très outrageux ce qu'il avait fait. Et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoyait proposer à Abigaël de quoi? De devenir sa femme. Wow! Pas une belle histoire d'amour, ça? Lui, il avait compris le type de femme que c'était. Là. Il n'avait pas besoin, c'est sûr, il n'avait pas besoin de conseiller. Là. Tout ce qu'elle a fait, là, ça démontrait vraiment sa personnalité. Ça démontrait vraiment ses qualités. Alors, ça finit comme un film à Hollywood. Hein? Écoutez, des fois, des films, ça va mal, puis tout ça, puis tout à coup, là, ça finit bien. On dirait que ça finit très bien ici. Maintenant, en conclusion, tout ça, là, c'est tout un témoignage pour nous. C'est tout un modèle, Abigaël. Mais savez-vous une chose? Nous, là, on a une fin heureuse aussi. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Nous, des fois, là, ça va peut-être aller mal. Peut-être qu'on va avoir des gens qui sont un peu fous autour de nous. On va vivre des moments difficiles. Il y a des gens qui ne seront pas d'avis à ce que nous disons, à ce que nous vivons. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, savez-vous quoi? L'apôtre Pierre nous dit qu'on a un héritage. C'est pas merveilleux, ça? Ça finit mieux que Hollywood, ça. Ça finit mieux que n'importe quel film, n'importe quelle partie de notre vie. Il y a un héritage qui nous attend. Mais moi, des fois, moi, je suis plus méchant que vous autres. Moi, je veux l'avoir tout de suite, mon héritage. Je veux l'avoir sans terre. Mais quand le texte dit de Pierre, il dit l'héritage est où? Dans le ciel. Et dans le ciel. Mais on va l'avoir. Ça va bien finir notre vie. Un jour, on va recevoir notre héritage. On va être, on pourrait définir, on va être co-héritier avec Christ. Ça ne va pas être merveilleux, ça? Fait que, tu sais, des chèvres, puis des moutons, puis tout ce que tu voudras, là, c'est rien à comparer ce qui nous attend. Je vous invite à prier maintenant. Juste à prier. Dire merci Seigneur de voir des modèles. Moi, je ne suis pas un gars auditif. Je suis un gars visuel. J'aime voir les choses. C'est pour ça que j'aime ça étudier les personnages. J'aime ça de voir comment ils réagissent dans leur propre vie face à des circonstances difficiles. Alors, on peut remercier le Seigneur pour ces personnages que le Seigneur nous a laissés dans la Bible pour nous encourager. Alors, je vous invite à vous lever quand vous voulez prier, puis courte prière, parce qu'on est plusieurs, puis fort pour qu'on puisse dire Amen. Et en attendant, j'invite l'équipe de louange, s'il vous plaît, à s'approcher.